mercredi à Assemblage requis. François Landry viendra parler de la déchéance de l'ADQ dans sa chronique politique. Sébastien Dulude nous conseillera quelques sorties culturelles alternatives. Et dans la chronique technologique CNX, on fera le tour du net. C'est dans Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu, mercredi 15h.